Ouais. Vu l'enfance, on a chez toi une présence de déviance. Sans aucune réticence à la malséance. Évidente attirance pour les deniers. Salut ou laver, ça n'a que peu d'incidence. C'est la dernière chance, sans grandiloquence. À notre actif, plus d'un projet confectionné. Sans l'assurance d'être positionné et attractif. Temps réactif, on kiffe se remémorer. La plupart lassés, blasés, qui hier cassés. Toujours du navré, et même ton sens d'une soi-disant estime voulant croiser. Coincé pour croiser des rimes. À tes côtés sur le rythme, c'est même pas la peine. Ils peuvent toujours se masser car je les élimine. Rien que ça, Jacques, t'es dit des conneries. On dira que Joe, si possible, réponse que des conneries. Produit provient de l'intérieur, intermédiaire, la feuille médiocre. Si j'ai pas de feuille, je profite. Une pour l'effectif, on est moins plus de profit. Pour les autres, mon verse profit. Je rappe pour avoir gros beat. Profil plein de rythme, qu'on me dise papi. Une autre story, de money, cousin. Poursuite de bolide, au bout le vide. Contrôle papier, Gucci qui aboutit à l'erreur commise. Eric Slowkey, notre Joel. Faut que tu stoppes tes heurts, tes pleurs. Mais disant ça, rumeur, bien des leurs. Assombrissant l'espoir d'une lueur. Toi d'une bribe d'intelligence. Même sans foi ni loi, dis-leur. Devant ça, faire serment d'allégeance. Ouais. Faut que tu stoppes tes heurts, tes pleurs. Mais disant ça, rumeur, bien des leurs. Assombrissant l'espoir d'une lueur. Toi d'une bribe d'intelligence. Même sans foi ni loi, dis-leur. Devant ça, faire serment d'allégeance. C'est pas besoin de frimer pour ramasser les tasses de l'autre côté. Ils font mine de t'archicoter. Toujours prêt t'archicoter. Si est ton pas reconnu, c'est chaud. Va falloir chipoter. Une minute, une liasse et une pute plus tard pour jauger. Elles vont se foutre à walper. Si tu sors un EP, elles vont se laisser palper. Ou bien même te l'asticoter. Jusqu'au sens si c'est un LP. Sache que c'est palpé pour palper. J'ai pour du papier. Mais laisse-moi rire en sachant que dans le passé, les mêmes ne voulaient pas y passer. Mais les temps ont changé. Et maintenant c'est pire, tout déchiré. Skype et le ponche coco finit chiré. Attiré par le backstage ou le carré des soirées VIP. 69 pauses, mais pas 36 facettes. 5 à 7 du mat, juste un sourire. Plusieurs dans l'affaire, t'es dans la ligne de mire. Car elles sont prêtes à se troquer, à te stocker. Comme un investissement pour plus tard en croquer. Buffalo Distrib 9-3 produits. Joe Lucas, Lord King Fausti. J'oubliais les frères qui se blottissent. Fume sur ton joint, j'ai des boulettes sur ton jogging. L'ombre derrière un arbre de trahir. 13 autour d'une table, on boit mon sang normal. Tout Judas cache le mal. Veulent Joe Lucas et ses smoking. Enfoiré, héroïque, j'aime pas les smoking. 9-3 doctrine, district chronique. Buffalo district chronique. Souvent tu étais médisant, mais sur des anomalies il peut se passer beaucoup d'événements. Regarde où tu es maintenant, toujours derrière les gens, à essayer de trouver un bon plan. Tu faisais rire les gales en vanant. Ces demoiselles à présent, elles en veulent tout pour leur argent. L'argent j'essaie d'en faire tout doucement. Fais-nous fiance qu'on manne, car la distrib est là pour longtemps. Faut que tu stoppes tes heurts, tes pleurs, mais disant sale rumeur. Bien des leurs, assombrissant l'espoir d'une lueur. Toi d'une bribe d'intelligence, même sans foi ni loi, dis-leur. Devant ça, faire serment d'allégeance. Ouais. Faut que tu stoppes tes heurts, tes pleurs, mais disant sale rumeur. Bien des leurs, assombrissant l'espoir d'une lueur. Toi d'une bribe d'intelligence, même sans foi ni loi, dis-leur. Devant ça, faire serment d'allégeance.